Hey, I can't find that on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. 24e épisode de La Mécanique des Ondes. Bienvenue à toutes et à tous sur Fréquence Protestante. Trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui, je reçois une directrice. Je ne me suis pas trompée, je me relis. Oui, c'est bien une directrice de radio qui est à mes côtés. Après plusieurs directeurs de stations, je reçois enfin une directrice. Depuis un an et demi, elle est à la tête de la radio FIP à Radio France. Bonjour Anne Sérode. Bonjour. Alors, question traditionnelle dans cette émission. Vous êtes au micro d'une radio associative. J'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Alors, je dois avouer que je n'ai jamais travaillé dans une radio associative. J'en ai écouté beaucoup quand j'étais à l'université. Mais en fait, moi, j'ai commencé ma carrière en télévision parce que je souhaitais travailler en journalisme. Donc, j'ai eu rapidement l'opportunité de travailler en télé dans une salle de rédaction. Et donc, la radio est arrivée beaucoup plus tard, après 15 ans de télé, où j'en avais un peu marre, en fait, d'être dans des contenus très rapides, où il fallait faire les choses en 2 minutes, où j'avais envie de longueur, j'avais envie de prendre le temps, j'avais envie d'approfondissement. Et c'est la radio qui était le meilleur endroit pour faire ça. Alors, les auditeurs et auditrices l'ont entendu, votre petit accent d'outre-Atlantique, nous allons dire. Au Canada, quand même, le paysage radiophonique, il faut l'expliquer, il y a des sortes de radios associatives, ça s'appelle des radios communautaires, hein, oui. Si je ne me trompe pas. Par contre, il y a une radio publique. Contrairement aux États-Unis, au Canada, il y a une radio publique. Oui, alors il y a une radio publique qui est financée à 90% à peu près par les fonds publics. Un peu la même structure de financement qu'à Radio France. La différence, c'est que la radio et la télé sont intégrées, un peu comme nos amis belges et nos amis suisses. Et en fait, c'est un peu la France qui fait bande à part en ayant séparé, donc depuis ce qu'on a appelé l'éclatement de l'ORTF en 75, si ma mémoire est bonne. Donc à Radio-Canada, tout est intégré. Donc la radio, la télé et le web. Il y a 2 radios au sein de Radio-Canada, donc une radio musicale et une radio parlée de type France Inter, et une radio musicale qui mélange tous les genres de musique. Donc on n'a pas le luxe au Canada d'avoir 7 radios publiques comme on a en France. C'est très précieux, c'est très rare en fait. Et donc on a 2 radios et donc il faut essayer de concentrer toutes nos énergies dans ces 2 radios. Mais la situation est assez difficile au Canada puisque le gouvernement en place a beaucoup coupé dans les dépenses et dans les financements de Radio-Canada. Donc la situation est assez compliquée. Alors je reviens un petit peu à vous quand même. Vous êtes donc à la base journaliste. Pourquoi cette envie? En fait j'étais très curieuse du monde. J'avais très, très, très envie de découvrir l'autre. Et je crois que c'est vraiment ça qui a été mon moteur, qui a été ma motivation. Je suis, malgré mon accent, je suis aussi française. Je suis donc de nationalité française. J'ai un papa provençal. Et donc, toute ma vie, elle a toujours été un peu écartelée entre 2 continents, entre 2 cultures, entre 2 accents, entre 2 façons de faire les choses, 2 façons de voir la vie. Et donc, ça a toujours fait partie de moi. Et j'ai toujours eu envie de découvrir, d'être déstabilisée, en fait, par la différence. Et j'ai pensé que le journalisme était la meilleure façon d'y arriver. Et en fait, je n'ai jamais été journaliste. Parce que justement, la vie a placé devant moi plein d'autres choses que j'avais pas prévues, plein de voies que j'ai eu envie d'emprunter et que j'ai empruntées et qui m'ont menée à toutes sortes de choses. J'ai dirigé l'équivalent du journal télévisé de 20 heures ici. Donc, j'ai fait vraiment un travail de patronne de salle de rédaction. Et en même temps, j'ai aussi été chef des émissions dans une radio musicale. Donc, j'ai travaillé beaucoup plus près du milieu culturel et musical. Et donc, j'ai toujours été un peu attirée par à la fois l'information pure et dure, mais à la fois la culture, à la fois la musique, le théâtre, la littérature. Donc, j'avais plein d'intérêts diversifiés et je pensais que le journalisme était pour moi la voie la plus sûre pour m'assurer de pouvoir toucher à tout. Alors, vous allez me raconter ensuite en détail votre carrière. Effectivement, vous avez été rédactrice en chef dans un journal canadien. Moi, j'ai l'impression, quand on regarde des parcours, effectivement, outre-Atlantique, en particulier au Canada, on a le droit de passer de l'actualité à la culture. Nous, en France, ça va être, on va rester toute une vie dans l'actualité, dans la musique. Mais alors vous, effectivement, vous avez été partout. Ouais, c'est une des premières choses qui m'a frappée, je crois, quand je suis arrivée en France, c'est la facilité avec laquelle les gens nous mettent rapidement dans une petite case. Et la difficulté qu'on a de sortir de cette petite case. Et pourtant, dans un monde où on sait que c'est important d'être polyvalent, on sait que c'est important d'être ouvert à la nouveauté. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la globalisation exacerbée. Oui, et donc je suis étonnée qu'il y a encore cette résistance, parce que je pense que l'être humain, il est multiple, il est fait de plein de choses, plein d'intérêts. Moi, j'ai étudié en philosophie, ça ne m'a jamais empêché de lire Paris Match, par exemple. Donc je pense qu'on peut à la fois être dans la profondeur et parfois dans la légèreté. Et on peut aussi être fan de culture, fan de musique, et en même temps faire un travail très sérieux comme journaliste et s'intéresser à la géopolitique. Donc je crois que l'être humain, il est multiple. On a beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts. Et quand notre métier nous permet d'approfondir tous ces intérêts-là, c'est un cadeau. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et c'était quand même un peu rare quand même au Canada. Il y avait pas tant de gens qui s'écartelaient comme ça. Mais c'est encore plus rare en France. Et c'est vrai que je suis très consciente que j'ai un parcours. Des fois, on me dit, mais est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux faire? Et puis, la réponse, c'est non. Ben, en fait, non, j'ai envie d'aller dans plein d'endroits. J'ai envie d'essayer plein de choses. J'ai envie de, parce que je ne suis pas qu'une seule personne avec un seul intérêt. Et je pense que notre métier doit pouvoir nous permettre, justement, de faire appel à tous les talents, qu'on a. Vous me disiez tout à l'heure, votre première expérience, c'était la télévision, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi la télévision? C'était à votre sortie d'école de journalisme? Est-ce que vous avez fait déjà une école de journalisme? Oui. En fait, j'ai étudié à l'université en communication avec une spécialisation en journalisme. J'ai jamais pensé à la radio, en fait, à cette époque-là. Pourtant, il y avait une option radio et je ne l'ai pas prise. Pourquoi la télé? En fait, c'est que j'ai commencé comme réalisatrice, en fait. Et j'aimais beaucoup travailler l'image, j'aimais beaucoup travailler le format. Les formats m'intéressaient beaucoup et j'avais l'impression qu'avec l'image, c'était plus facile à explorer. Et c'est la seule raison, en fait, parce que c'est très drôle, je n'écoutais pas la télé, je ne regardais pas la télé. Et quand j'ai commencé comme réalisatrice, j'ai gagné quelques prix et sur la forme, justement, meilleure réalisation, des choses comme ça. Et on me disait, mais où prends-tu ton inspiration? Puis je disais, à la radio. Et les gens me disaient, bon, arrête, tu rigoles. Je disais, non, mais c'est vrai, je ne regarde pas la télé, mais je suis très inspirée par la radio parce que la radio, elle génère plein d'images. Elle ne m'en impose aucune. Donc, elle me permet d'aller explorer plein de choses. Donc, j'ai choisi la télé, mais très inspirée par la radio. Alors, on parle beaucoup, Anne Serrod. C'est le moment déjà de la première pause musicale. Vous avez choisi quoi? Alors, la première, évidemment, c'est un clin d'œil à mon pays d'origine. J'ai choisi Leonard Cohen, qui est vraiment notre grand poète national. Et en fait, j'avais envie de vous partager une chanson dont je ne me lasse jamais. À chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons. Parce qu'elle est juste trop belle, parce que c'est une chanson d'amour, parce que c'est une chanson brillante, très poétique. Et c'est « Dance Me to the End of Love ». Your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. Je suis désolée, je le prononce à la française, Anne Serrod. On est toujours donc dans la mécanique des ondes avec la directrice de FIP, Anne Serrod. On vous a laissé avant la pause musicale en tant que réalisatrice en télévision. À un moment, vous avez envie que ça s'arrête? En fait, j'avais envie de contenu. Et donc, ce que j'ai fait, je suis allée étudier en philosophie. J'ai pris un an pour arrêter. J'ai décidé d'aller faire une maîtrise en philosophie que je n'ai pas terminée. D'ailleurs, je n'ai pas rédigé mon mémoire. Mais j'avais besoin de penser en un peu plus long que 30 secondes, une minute, deux minutes. Donc, j'avais vraiment besoin de profondeur. Donc, je suis allée étudier en philosophie. Et au retour de mes études, j'ai intégré une émission qui s'appelait Enjeu, pardon, qui était un peu l'équivalent d'envoyé spécial. Et après, on m'a proposé donc de devenir rédactrice en chef du journal télévisé. Et évidemment, c'était une super belle promotion. Je ne pouvais absolument pas refuser ça. Mais c'est probablement l'année où j'ai été la plus malheureuse dans mon travail parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais... En fait, il y avait deux choses. La première, c'est que je me sentais très à l'étroit. Parce que l'information, c'est un rouleau compresseur. C'est l'actualité qui décide de ce dont on va parler. Et il peut y avoir quelque chose d'extrêmement important qui se passe. Mais s'il y a quelque chose de plus important le même jour, ça passe à la trappe. Et pour moi, ça, c'était une grande injustice. Et j'étais très inconfortable avec ça. Quand il y avait des drames, par exemple, qui se jouaient en Afrique, c'est vrai qu'au Canada, on se sent parfois un peu loin. Et là, parce qu'un ministre avait fait une bévue ou avait fait une déclaration un peu malheureuse, ben, finalement, ça prenait tout l'espace et l'Afrique passait à la trappe. Et pour moi, ça, c'était quelque chose d'assez difficile. Donc, je me sentais un peu à l'étroit là-dedans. Et il y avait aussi, on s'en rend pas compte, mais quand on travaille pendant des années dans l'information, on n'est que dans des mauvaises nouvelles, on n'est que dans des choses difficiles, dans des images pénibles à voir. Et je me rendais compte que ça finissait par m'affecter. Et donc, j'avais besoin de me reconnecter avec la culture, avec la musique, avec la beauté, tout simplement. J'avais besoin de beau et j'avais besoin de profondeur parce qu'évidemment, dans un journal télévisé, tout se réfléchit dans des capsules extrêmement courtes. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je me rappelle, je suis allée voir mon patron et je lui ai dit « je suis malheureuse ». Il m'a dit « mais pourquoi? Mais ça se passe bien ». J'ai dit « ben oui, mais moi, je suis pas bien. J'ai envie d'autre chose ». Et il m'a dit « écoute, dans une grande maison, si tu veux aller faire autre chose, vas-y, je vais t'appuyer, je vais t'aider ». Et il a parlé au patron de la radio. Et le patron de la radio a dit, mais justement, nous, on a besoin de quelqu'un. Donc, j'ai fait le passage très facilement, donc toujours à Radio-Canada, de la télé à la radio. Et je suis devenue chef des émissions musicales, à la radio musicale. Alors, le grand écart, là encore. Complètement. L'actualité, on passe à la musique. Ouais. Et ça a été, on parlait tout à l'heure de la difficulté, des fois, de sortir de sa petite case. Et même là, je me rappelle, les journalistes venaient me voir et ils me disaient, mais t'as été virée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont mis de côté. Je dis non, pas du tout, c'est mon choix. Mais non, tu peux pas quitter le poste de rédactrice en chef du JT pour aller travailler pour une radio musicale, c'est pas possible. Je dis oui, non, mais absolument, c'est vrai. Et c'est vrai que ça a été drôlement perçu au départ, mais j'ai été extrêmement, extrêmement heureuse parce que oui, je reconnectais avec des belles choses, avec l'idée de toujours de ce service public, mais dans un esprit de faire plaisir aux gens, de leur apporter quelque chose de bon, de qui leur ferait du bien, qui leur ferait découvrir des choses plutôt que de les informer. C'est une autre façon d'être dans le service public. Mais pourtant, la musique, est-ce que vous y connaissiez, vous y intéressiez à ce moment-là? En fait, j'étais une passionnée de musique parce que j'allais voir beaucoup de concerts, j'étais abonnée et à toutes sortes de musiques. J'adorais évidemment la musique plus pop-rock, la musique du monde, mais j'étais aussi abonnée à l'opéra. J'aimais beaucoup l'opéra, donc j'étais une touche à tout aussi dans le domaine de la musique. Mais pas que, j'allais aussi au théâtre. En fait, j'ai toujours été une généraliste très affirmée. Je n'ai aucune spécialité, je ne revendique pas de spécialité particulière. Je suis juste une grande passionnée et une auditrice, je dirais peut-être avec un peu plus de connaissances que la moyenne parce que je connais le milieu des médias et je sais comment faire de la bonne radio, de la bonne télé. En fait, je pense le savoir. Mais au fond, je suis une auditrice, comme plein d'autres, qui a envie que quand elle ouvre la radio, c'est beau, ça lui fait du bien et ça lui apporte ce que ça doit lui apporter. Quel était le défi, du coup, de ce poste quand on vous y a nommé? En fait, la radio musicale de Radio-Canada, elle était au départ une radio qui ressemblait beaucoup à France Culture. Donc, on l'appelait la chaîne culturelle. Et comme elle avait très, très peu d'audience et qu'il y avait une explosion, en fait, de création musicale, la direction avait pris la décision de fermer la chaîne culturelle et de rouvrir une chaîne musicale. Donc, la chaîne musicale venait de rouvrir il y a quelques années seulement. Et évidemment, elle avait des grands défis d'audience. Elle avait des grands défis aussi de se positionner, de trouver son positionnement, quel genre de musique, à quel moment. Parce que, bon, Radio France a de la chance, elle a 3 radios musicales, on peut couvrir tous les genres musicaux, mais quand on n'en a qu'une seule, comment on fait cohabiter des concerts classiques avec la musique du monde, avec du rap, du hip-hop, avec... C'est très compliqué. Et donc, voilà, c'était ça, beaucoup le défi, c'était de faire cohabiter tous ces genres musicaux, surtout. Pendant combien de temps vous y restez dans cette chaîne musicale ? À peu près 3 ans. Et pourquoi vous y partez ? Parce qu'on m'offre la direction de la première chaîne, qui est l'équivalent de France Inter. Et là, j'avais l'impression que, en fait, toutes mes passions allaient se retrouver au même endroit. C'est-à-dire ma passion pour l'information, ma passion pour la culture. Donc, j'ai accepté. Et ça a été une très, très belle aventure parce que j'avais aussi un patron très créatif qui me laissait beaucoup d'espace, qui laissait beaucoup d'espace aux autres autour de lui, qui laissait de l'espace pour les idées, qui acceptait que la meilleure idée gagne, même si c'était pas la sienne. Donc, ça, c'était hyper stimulant. C'était un visionnaire. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a tiré vers le haut, qui m'a porté. Et ensemble, on a renouvelé complètement la grille. On a amené des nouvelles voix à l'antenne, des gens qui sont encore là aujourd'hui et que j'écoute encore grâce à la magie d'Internet. Et donc, ça a été une très, très, très belle aventure qui s'est terminée tout simplement parce que j'ai fait le choix de déménager en France. Alors oui, on va y revenir. Du coup, vous atterrissez dans un France Bleu Roussillon, en fin 2013. Moi, je voulais un petit peu revenir sur ce poste, puisque c'est un peu le filigrane. Donc, vous êtes une directrice, vous êtes une femme, même si on doit le souligner, ce qu'on ne devrait pas, d'ailleurs. Toutes ces fonctions managériales, comment vous les avez vécues? En tout cas, dans une première partie au Canada. Est-ce que c'était difficile de diriger une équipe quand on est une femme? Alors, la première fois où j'ai senti qu'être une femme voulait dire quelque chose en tant que directrice, c'est en France. Jamais, jamais au Québec, on ne m'a dit que c'était bien ou pas bien que je sois une femme. Je n'ai jamais senti que c'était un avantage ou un inconvénient. Vous n'avez jamais eu de réflexion? Jamais une réflexion machiste. Mais jamais et jamais de patron qui m'a dit « c'est bien, tu es une femme, on cherche des femmes ». Ce qu'on m'a dit d'ailleurs quand je suis arrivée à Radio France, on m'a dit « c'est vachement bien parce que tu es une femme, tu as de la chance, parce qu'ils cherchent des femmes compétentes, donc tu vas avoir plus de chance qu'un homme ». Mais c'est une réflexion que j'ai entendue pour la première fois de ma vie en France. Mais donc en fait, les responsabilités managériales, donc je les ai prises. En fait, en général, on arrive comme gestionnaire. On dit beaucoup plus gestionnaire au Québec que manager. En général, parce qu'on est reconnu par nos pairs comme maîtrisant bien l'aspect technique de notre travail. Et quand on devient manager, on se rend compte que l'aspect technique, finalement, il y est pour peu de choses. C'est peut-être 20-25% de notre travail. 75%, c'est des ressources humaines, c'est convaincre des gens, c'est développer dialoguer. Une vision, voilà, les mobiliser autour d'une vision, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, c'est reconnaître chez l'autre quelles sont ses forces, comment on peut l'aider à atteindre ses objectifs et les objectifs de l'entreprise. Et donc, c'est toute une partie pour laquelle on n'est absolument pas préparé, mais qui, pour moi, est la plus belle des parties, parce que c'est là que l'aventure humaine commence vraiment. J'ai toujours dit que la radio, c'est d'abord une aventure humaine, c'est d'abord une personne qui parle à une autre. Et pour moi, le management, c'est ça aussi. C'est d'abord une aventure humaine. Mais ça, je l'ai réalisé en le faisant. J'en avais jamais pris conscience avant. Alors, fin 2013, oui, vous partez donc à France Bleu Roussillon. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi vous traversez l'Atlantique. Vous avez l'air de... Ça a l'air de bien se passer dans votre radio, la première. Pourquoi vous partez? En fait, on prend rarement une décision comme ça pour une seule raison. Donc, il y en a plusieurs. Je vous raconterai pas toute ma vie. Mais en gros, il y a eu des raisons personnelles. Donc, je suis aussi française. J'ai une partie de ma famille en France. Et il y a une personne très chère dans mon entourage, assez âgée aujourd'hui, dont je voulais me rapprocher, qui habite dans le sud de la France, donc qui est mon parrain. Donc pour moi, c'était important d'être auprès de lui. Ensuite, ça faisait 18 ans que j'étais à Radio-Canada. J'étais dans un confort professionnel absolu. J'avais un super beau poste, des collègues fabuleux. Je n'avais plus besoin de me vendre. On connaissait ce que j'avais fait. Et ce confort... il m'est apparu un moment dangereux, en fait. Je me suis dit, mais comment j'existerais hors de Radio-Canada? Est-ce que par moi-même, quelles sont exactement mes qualités? Qu'est-ce que je vaux? Presque une crise de la quarantaine. Qui suis-je? Mais, Et j'ai eu l'impression que si je ne bougeais pas dans la quarantaine, j'aurais du mal à le faire dans la cinquantaine, dans la soixantaine, que plus le temps avançait, plus j'aurais du mal à me mettre en danger et à prendre un risque. Et voilà, j'ai décidé vraiment un peu sur un coup de tête de partir. En me disant, je prends un risque. Alors, on dit, je suis arrivée à France Bleu, mais quand je suis arrivée en France, je n'avais rien devant moi. Je n'avais pas de travail. Vous avez postulé sur l'espace recrutement de Radio France ou pas? Ben oui, oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, je suis arrivée en France le 14 juillet. Et j'avais dit à ma fille de 19 ans, Juliette, je pars, je me donne 6 mois. J'ai de quoi vivre 6 mois. Si dans 6 mois, je ne trouve rien en France, je rentre. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je pars au Québec prochainement pour faire mes cartons, parce que là, on va vider la maison, puisque je n'ai jamais fait mes cartons. Je suis partie avec 2 valises, et comme je ne suis jamais revenue, je n'ai jamais fait mes cartons à la maison. Donc, je suis partie avec seulement ce rêve de dire, bon, ben allez, on essaie. Je prends le risque d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et donc, je suis arrivée le 14 juillet. J'ai réalisé qu'au mois d'août, il se passait rien en France. J'avais pas réalisé à quel point il y avait rien à faire. Donc, je me suis reposée, je me suis baladée. Et après, j'ai postulé. Donc, je voulais rester dans le sud de la France. Et après, je voulais pas non plus postuler sur un poste de directeur parce que je voulais vraiment commencer un peu dans du management plus de proximité pour bien comprendre la culture d'entreprise, pour bien maîtriser aussi, mine de rien, le code du travail, c'est pas les mêmes règles. Et donc, j'ai postulé sur un poste de responsable des programmes et j'ai regardé ce qu'il y avait dans le sud de la France. Il y avait 2 postes. Il y avait un à Valence et un à Perpignan. Et j'ai dit, Perpignan, c'est près de l'Espagne. Moi, j'adore l'Espagne. Allez, hop, Perpignan. Donc, j'ai postulé, j'ai fait l'entretien, j'ai été embauchée. Et donc, je suis arrivée à Perpignan. Et j'avais rien, j'avais pas de meubles, rien. Donc, j'ai tout meublé. Et je me suis installée. Et après 6 mois, ben, Mathieu Gallet a été nommé. Et il a entendu parler de moi et il m'a appelé, je suis allée le rencontrer et il m'a offert la direction de FIP. Donc je suis restée très peu longtemps à France Bleu Roussillon. Vous avez quand même pu découvrir un petit peu comment marchait un France Bleu, c'est quand même assez spécifique, c'est très local. Vous connaissiez quand même un petit peu le sud de la France, mais vous avez quand même découvert l'actu locale, c'est une des spécificités françaises quand même. Oui, et c'est drôle parce que à Radio-Canada, il y a aussi des radios. Radio-Canada a des radios locales, mais évidemment, bon, c'est un grand pays, hein, c'est 5000 kilomètres, c'est un peu particulier. Et les radios locales, elles ont pour rôle, en fait, surtout de je dirais un grand terme, mais d'unifier le pays, d'offrir à chacun un visage commun du pays que l'on partage malgré la distance. Alors qu'en France, j'ai trouvé que c'était l'approche contraire. C'était dans ce pays où on est bien tassés les uns sur les autres parce qu'on est plus de 60 millions sur un petit territoire, on exprime notre différence à travers nos radios locales. Pour moi, c'était une approche complètement différente, mais j'ai adoré. J'ai découvert des spécificités régionales que je ne pouvais même pas imaginer, à quel point chaque petit coin de France a sa culture qui lui est propre, a ses expressions, a ses spécificités culinaires. J'ai découvert les rousquilles catalanes que j'ai adorées. Mais donc, c'est vrai que pour moi, ça a été, j'ai été d'émerveillement en émerveillement. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça dure que 6 mois. Ça a été une lune de miel. En plus, les gens sont formidables, sont fantastiques. Il y a un vrai tissu social très fort. Très fort, oui. Et j'ai été en plus hyper bien accueillie. Donc non, ça a été une superbe expérience. Je regrette simplement qu'elle ait été très, très courte. Et en même temps, bon, diriger FIP, ça ne pouvait pas se refuser. Justement, on va en parler après votre seconde pause musicale. Alors, on va, contrairement au nom du groupe, on va pas aller très loin. Vous avez choisi Groenland. Quel est ce groupe? Alors là, on est plus dans la découverte. Donc, on était dans un standard, on pourrait dire, avec Leonard Cohen. Donc là, c'est un groupe que j'ai découvert l'an dernier quand je suis retournée au Québec. Donc, c'est un premier album, de Montréalais. Et qui s'appelle Groenland. Donc, j'attends avec impatience leur deuxième album parce que le premier, je trouvais vraiment une réussite totale, très, très jolie voix. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. There's something I didn't get, and there's something I missed. Was it something I didn't say, or was it something I did? When I look into my precious mirror, when it only shows my darkest features. I try to get a grip of the old me, but you take it away when you're on the scene, and you make it all wrong. You make it all right the minute you're gone, the minute you're back, and you make it all wrong. It's been a while since we talked. That doesn't erase feelings. Ooh, and since my pride went for a walk, I don't answer to nothing. And there's a thousand roles I could have played, and there's a thousand words I could have said, and there's a thousand rules that I never knew, and there's a thousand. Groenland, c'est le deuxième choix d'Anserod. Leur titre, c'est Immune. On est toujours sur Fréquence Protestante dans la mécanique des ondes. Alors, Anserod, en 2014, vous venez de recevoir un petit coup de téléphone du jeune patron de Radio France, Mathieu Gallet. Il est intéressé par votre profil. Comment il a entendu parler de vous ? Alors, il a entendu parler de moi par mon ancien patron, celui dont je vous parlais, qui était très visionnaire, qui m'avait beaucoup inspiré dans cette refonte de la chaîne qu'on avait effectuée ensemble. Et il se trouve que ce patron-là a aussi déménagé en France et il a rencontré Mathieu Gallet dans toutes les rencontres que Mathieu a faites. Ce patron-là était déjà consultant pour Radio France, donc Mathieu l'avait rencontré. Et au détour de la conversation, Mathieu lui a dit « Je cherche quelqu'un pour filles, vous auriez pas une idée par hasard ?» Et donc Patrick Baudouin, mon ancien patron, a dit « Ben oui, il y a mon ancienne directrice qui a travaillé dans une musicale qui pourrait être très bien. » Donc il lui parle un peu de mon profil et Mathieu Gallet dit « Ben oui, mais c'est super, mais si elle est au Canada, ça m'avance pas. » Et il lui dit « Non, non, mais elle est pas au Canada, elle était déjà à Radio France, elle est même à France Bleu Roussillon. » Et donc c'est très drôle parce que la responsable des relations auditeurs reçoit un jour un appel « Bonjour, ici le bureau de Mathieu Gallet, on aimerait parler à Anne Serod. » Et là, elle a dit, ben, elle est pas là, mais Mathieu Gallet, ça me dit quelque chose. Elle dit, oui, c'est votre futur PDG, parce qu'il n'y avait pas encore pris ses fonctions officiellement. Ah oui, d'accord, ah bon, ben, je vous la trouve. Hein. Et donc, je reçois cet appel. Évidemment, je suis tombée en bas de ma chaise. C'était inattendu. Et donc, je suis allée à Paris, je suis allée rencontrer, et ça a duré, je crois, 20 à 30 minutes, notre entretien. Est-ce que c'est un bon ou mauvais signe quand ça dure aussi peu de temps? Ben, c'est bon signe puisqu'à la fin, il m'a dit si l'idée de venir à Paris, de faire partie de mon équipe vous tente, you're welcome. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Et je me rappelle, je suis sortie, j'ai dit, je marchais sur le trottoir et j'ai appelé un ami, j'ai dit, il m'a dit you're welcome. Ça veut dire qu'il me donne le poste ou ça veut dire que c'est fait ou c'est pas fait. Donc je savais plus, c'était tellement surréaliste pour moi que ça se passe aussi rapidement. Mais c'est vrai que je pense qu'on a rapidement compris qu'on pouvait travailler ensemble. Et ce que j'avais pas réalisé à ce moment-là, c'était le risque, entre guillemets, le pari assez audacieux de Mathieu, qui était de prendre quelqu'un qui ne faisait pas partie de son entourage. Dans un milieu français, c'est quand même assez rare. De prendre quelqu'un qui avait un accent, qui arrivait d'une autre culture. Mais c'est exactement, je pense, que ce qu'il cherchait. Et quand je regarde comment il a composé son équipe de directeurs, il y a un équilibre assez intéressant entre des gens qui viennent du public, du privé, de l'étranger comme moi, des gens dans la quarantaine comme moi, des gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Donc, il y a des gens qui sont dans la maison depuis fort longtemps, comme Laurence Bloch, et des gens qui sont tout nouveaux. Et donc, cet équilibre-là crée une vraie richesse au sein du comité de direction dont on fait partie. On a des discussions passionnantes et je crois que c'est pas pour rien qu'on arrive aussi à avoir des résultats aussi intéressants en termes d'audience depuis un an. Oui, vous prenez vos fonctions le lundi 16 juin 2014, très exactement. Qu'est-ce que Mathieu Gallet vous donne comme objectif, puisque évidemment, on le sait, hein, il a un petit peu tout chamboulé, hein, donc à Radio France. Qu'est-ce qu'il vous donne comme objectif pour FIP? Alors, le grand luxe que j'ai eu, c'est qu'il m'a dit « FIP se porte bien, donc il n'y a pas d'urgence. Prends l'été pour rencontrer les gens, prendre le pouls de la chaîne et fais-moi une proposition. » Ce qui était très clair pour lui, c'est qu'il voulait que le virage numérique, il était très conscient que la musique est la première chose qui est consommée sur le web et que donc l'avenir d'une musicale passait nécessairement par le web. Donc, il y avait à l'époque la plateforme RF8. Donc, il m'avait dit, je veux que tu observes ça, je veux que tu vois comment FIP peut s'impliquer ou non dans un projet numérique. Et il m'a dit, j'attends tes propositions. Donc, il n'y avait pas de quelque chose de très, très, très précis, de très cadré. Et donc, j'ai pris tout l'été et à la fin de l'été, je lui ai remis un rapport en disant, voilà ce que je pense qu'il faut mettre en place à FIP sur le plan de la programmation musicale. Les choses vont bien, il y a peut-être des petits ajustements sur renforcer le rôle prescripteur de la chaîne. Et il y avait évidemment le rôle des web radios qu'on avait nous lancé à Radio-Canada et où je trouvais que le groupe Radio France était très en retard. Et donc, c'est un des chantiers prioritaires qui a été donc l'arrêt de RF8 pour plutôt passer vers les web radios pour renforcer la présence numérique de FIP. Oui, parce qu'à un moment, donc en décembre 2014, une dépêche de l'AFP affirme que Mathieu Gallet envisage de fermer FIP. Vous avez démenti évidemment cette affirmation. La question se pose encore aujourd'hui pour Move, hein, d'ailleurs. Est-ce que peut-être un jour, ces radios vont devenir 100% numériques? C'est pas pour autant qu'elles ne vont plus faire d'audience. Alors, dans le cas de FIP, il n'a jamais été question dans les discussions que j'ai eues avec Mathieu qu'elle devienne uniquement numérique. Pourquoi? D'abord parce qu'elle a seulement 10 émetteurs. Donc, fermer 10 émetteurs, ce n'est d'aucun intérêt. Et qu'avec ces 10 émetteurs, elle arrive à faire quand même énormément d'audience. Je ne vais pas rentrer dans des détails ou dans des comparatifs, mais elle fait un point d'audience avec 10 émetteurs, c'est presque un exploit. Parce que, pour donner un comparatif, mes collègues de France Culture qui font autour de 2 points d'audience ont 500 émetteurs. Donc, on voit bien qu'avec 10 émetteurs, déjà, l'audience est très, très bonne et très intéressante. Donc, il n'y a aucun intérêt à toucher à ça. Dans le cas de Move, bon, je ne vais pas parler de la radio que je ne dirige pas, mais dans le cas de Move, en fait, c'est plutôt l'aspect éditorial qui a été remis en question. Et c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour Radio France parce que quand on regarde les âges et le profil socio-démographique des gens qui nous écoutent, quand on est un service public, on a quand même la responsabilité de s'adresser à tous les citoyens, à tous ceux qui payent la redevance. Ils ont le droit d'avoir une radio qui leur convienne. Et évidemment, on se dit, mais comment ça se fait qu'une radio publique n'arrive pas à parler aux jeunes? Donc, c'était quand même assez préoccupant. Et donc, l'ambition avec Move, c'est d'arriver à toucher une population qu'on ne touche pas actuellement avec aucune autre des 6 radios. Donc, bien sûr que le Move a eu plusieurs essais-erreurs. Et là, Mathieu l'a dit, bon, on donne 18 mois à la chaîne. Après, qu'en sera-t-il de son avenir? Je ne le sais pas, puisqu'on souhaite tous très fort que ça marche, en fait. Alors, je disais en introduction, vous êtes une directrice dans une radio publique. Alors, je pense également à Laurence Bloch, hein, quand même, qui est à la tête de France Inter. Et puis, vous êtes au milieu des FIPettes, finalement, Anne Serrod. Vous êtes arrivée en plein milieu de plein de femmes à l'antenne. Oui, et étonnamment, par contre, la programmation est faite exclusivement presque par des hommes. Donc c'est une chaîne, évidemment, bon, c'est voix féminines, ça fait quand même partie de l'historique de la chaîne. Il y a aussi des voix masculines, hein, il ne faut pas l'oublier. Il y a le Jazz à FIP, il y a toujours un programmateur qui est invité, qui est essentiellement, ce sont essentiellement des hommes. Il y a aussi maintenant une nouvelle émission le lundi qui est animée par 2 programmateurs. Je crois que la signature de FIP, c'est d'abord des belles voix, donc oui, essentiellement des voix de femmes. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire avec ces belles voix de femmes, c'est faire aussi de ces belles voix des femmes qui pouvaient porter la programmation musicale. Parce que parfois, la programmation musicale et les micros étaient un peu déconnectés. Et donc, moi, j'ai vraiment voulu dire aux filles, vous avez une vraie responsabilité pour renforcer ce caractère prescripteur de la chaîne. Vous pouvez vous approprier la programmation musicale, en parler à l'antenne, la défendre, expliquer, donner des éléments biographiques sur les artistes qu'on diffuse. Ça fait aussi partie de votre rôle. Parce que pour moi, ce sont des femmes brillantes, intelligentes, qui ont plein de choses à dire, à raconter. Donc, je voulais vraiment miser sur leur savoir-faire pour ça. Mais oui, sinon, c'est vrai que Mathieu a fait un travail assez rare, hein, de nommer 3 femmes d'un coup. Je me rappelle d'ailleurs, quand on a été nommé, il y a eu un article, je crois que c'est dans le Figaro Madame, qui disait qu'il n'y avait que 7% des femmes qui dirigeaient des radios. Et moi, je venais donc de Radio-Canada où j'étais directrice d'une chaîne et mes trois cadres étaient des femmes. Donc moi, je cherchais des hommes cadres. Donc là, on arrivait complètement dans un cas de figure complètement opposé. Et cet article, d'ailleurs, que j'ai sous les yeux quand il a été publié, il m'avait vraiment étonnée parce qu'on y disait « Mathieu Gallet n'y est pas allé par quatre chemins ». Le groupe Radio France se fait violence en nommant trois femmes à la tête des chaînes. Et je me suis dit, ouais, les mots sont forts quand même. On dit, il n'y est pas allé par quatre chemins, on se fait violence en nommant trois femmes. Et c'est là que j'ai réalisé que oui, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez unique qu'un PDG nomme tout à coup trois femmes sur sept directrices de chaîne. Mais au moment où j'ai accepté l'aventure, j'étais absolument pas consciente de ça. C'est après, quand j'ai vu la couverture médiatique autour de ça, que j'ai réalisé que c'était un grand, grand pas pour les femmes françaises. Alors justement, à ce propos, il me semble que vous vouliez parler de quelque chose. C'est au sein de Radio France, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, c'est que toutes les questions de diversité, d'égalité hommes-femmes nous préoccupent. Et on vient de mettre en place donc un comité sur la diversité. Qui est, bon, on va dire encore un comité, mais donc c'est un comité qu'on m'a confié la présidence de ce comité, justement pour qu'on passe à l'action. Et donc c'est un comité que je vais présider tout en continuant mes fonctions à FIP. Donc c'est important que ce soit la direction d'une chaîne qui prenne en charge ce comité, et il sera composé de gens des chaînes et des services transversaux. Et l'idée, c'est de vraiment développer des projets, développer des façons concrètes d'intégrer plus de diversité, non seulement à l'antenne, mais à l'intérieur de l'entreprise aussi. Parce que malgré qu'on ait cette chaîne, malgré qu'on ait une offre importante, on se rend compte qu'il y a des portions de la population qui sont moins représentées. On se rend compte qu'il manque de femmes parfois dans les invités, au micro, même à l'interne, dans les fonctions de direction. Dans un réseau comme France Bleu, sur 44 locales, je crois qu'il y a deux ou trois femmes qui dirigent, qui sont directrices de stations. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, sur différentes questions, donc l'égalité homme-femme, le handicap, la diversité des âges aussi, c'est important, et la diversité des origines, on a beaucoup de travail à faire et on le fait de mieux en mieux. On commence à développer plusieurs projets, comme France Inter a développé le projet Interclasse, où des journalistes vont donc être en contact avec des jeunes sur le métier de journaliste. FIP aussi va s'impliquer très bientôt dans un projet semblable. Donc on veut que chaque chaîne porte un projet pour justement un, diversifier son public, deux, aller chercher des gens qui sont peut-être pas nécessairement intéressés par le service public, mais les entendre, pourquoi on n'arrive pas à les intéresser, et ensuite peut-être nous mieux se faire connaître. Et je pense que ça peut avoir un vrai impact ensuite sur la diversité de notre public. Je crois que si on ne s'adresse qu'à une petite tranche de la population, on passe à côté de notre mandat principal. Et on a des obligations réglementaires, certes, mais on a surtout comme service public une vraie obligation morale, une vraie mission, de refléter la diversité de notre société. Combien de temps Mathieu Gallet vous a donné pour ce comité? Vous devez rendre un rapport au bout d'un certain temps? Non, alors ce n'est pas un comité qui doit faire des études ou rendre des rapports, c'est un comité qui doit être dans l'action. Donc, d'accord, c'est un comité qui doit... Propositions concrètes. Voilà. Alors, moi, mon mandat, c'est d'apporter des propositions concrètes au président pour dire, voilà, pour l'antenne, on peut faire ceci. Pour les formations musicales, on pourrait peut-être faire cela. Pour les employés, on pourrait peut-être faire tel type de formation. On pourrait faire tel type de sensibilisation. Et donc, lui, il valide ou pas les orientations. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de mettre des choses très concrètes en place. La mécanique des ondes. Anne Sérode, chaque invité pose une question à l'invité suivant. L'invité précédent était Francis Viel, qui est animateur de la sélection Soul sur Move. Anne, on travaille dans cette grande maison ronde tous les deux, donc à Radio France. Et comme vous êtes aussi de culture nord-américaine et que voilà, vous avez vécu là-bas, je me demandais quel était le contraste. Est-ce qu'il y a vraiment, il y avait un temps d'adaptation pour s'adapter à cette maison, ma foi charmante, mais qui des fois peut avoir des fonctionnements assez compliqués, surtout j'imagine quand on est à un poste comme le vôtre. Grande question. Quelle bonne question. J'espérais qu'elle ne me soit pas posée. C'est arrivé par un collègue. Alors, il m'arrive souvent de demander à des gens, Est-ce que c'est la France ou c'est Radio France qui est comme ça? C'est vrai que c'est très différent. Sur plusieurs aspects, il y a des aspects vraiment qui s'expliquent tout simplement par des particularités culturelles, par exemple la relation avec les syndicats. Ça ne fonctionne, le code du travail n'est pas le même, donc le fonctionnement n'est pas le même. Mais essentiellement, le service public reste le service public. Donc, sur le plan des valeurs, sur le plan des convictions, moi, je retrouve exactement la même chose. Le langage n'est pas différent, le langage est le même. Là où je suis parfois un peu sous le choc, c'est peut-être un peu fort sous le choc, mais je suis étonnée, c'est sur l'aspect, comment je dirais? Je viens d'un pays où on pense qu'avec beaucoup de volonté et d'efforts, on peut arriver à faire des choses. Peu importe l'école d'où on vient, peu importe les parents qu'on a eus, si on le veut vraiment, on peut. Et parfois, je sens en France et à Radio France qu'on attend beaucoup de l'autre. On attend de l'employeur, on attend de l'État. On est en attentisme, si je peux dire. J'ai l'impression parfois que je dois beaucoup dire aux gens, non, mais tu as le pouvoir de faire telle chose. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir mon approbation, d'avoir mon OK pour faire ça. Tu peux, tu es un être, t'es quelqu'un de professionnel, t'es quelqu'un d'autonome, t'es quelqu'un. Mais j'ai l'impression est-ce que c'est, la boîte? Est-ce que c'est la culture, générale? J'ai l'impression que les gens ont l'impression d'avoir perdu un peu de leur pouvoir. Et qu'ils attendent beaucoup que les choses viennent de l'autre. Moi, des fois, quand on me dit, mais moi, je veux changer de carrière, que me proposes-tu? Et je dis, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle démarche as-tu fait? Ah ben rien, j'attends que vous me proposiez. Puis je dis, ben non, ça se fait à deux. Il faut que les choses viennent de toi aussi. Tu as aussi du potentiel à exprimer. En France, on attend trop, en fait, c'est ça? Oui. On attend qu'on nous propose et on ne va pas faire la démarche de nous-mêmes. Ben en fait, j'ai l'impression que les gens se sentent impuissants parfois. Et c'est peut-être, oui, ce qui m'attriste un peu par moment et ce qui fait que des fois, oui, je suis un peu impatiente. Des fois, je tape un peu du pied en disant, non, mais attends, t'es capable de le faire. Allez, on y va. Prends le téléphone, fais-le. J'ai peut-être un peu d'impatience par moment à cause de ça. Bon, Anne Serone, on va terminer sur le questionnaire super rapide. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Alors, sans contredit, je n'ai plus de... Ah oui, c'est le FM 93, qui était une radio très, très commerciale, avec beaucoup d'humour, et qui passait des gros hits américains. Quelle radio vous réveille le matin? Ah ben, évidemment, c'est FIP. C'est FIP, mais il faut dire aussi que je me promène beaucoup, comme je suis quand même aussi une fille d'info, j'écoute... France Info, ensuite un petit tour à France Inter. Je suis très curieuse de France Culture en ce moment puisque il y a un nouveau matinalier. Mais quand même à la base c'est FIP. Est-ce que c'est FIP qui vous endort le soir? En fait, j'écoute FIP tous les soirs parce qu'en plus on a de nouvelles émissions. Est-ce que c'est FIP qui m'endort? Non, il paraît qu'il faut pas. J'essaie en ce moment un truc. J'essaie de sortir tous les appareils électroniques de ma chambre pour avoir un meilleur sommeil. Vous reviendrez pour nous dire si ça marche. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Au sport, quand je fais du sport. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Dans la douche. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? Waouh. Le meilleur souvenir de radio? Impossible, il y en a trop, il y a trop de beaux souvenirs. Bon, alors est-ce que le pire souvenir, vous vous en souvenez? Est-ce que j'ai vécu des souvenirs difficiles? Non plus. Franchement, ça a été des très, très belles aventures. Non, j'ai pas de... J'essaie de penser. Si peut-être j'avais été à l'antenne, j'aurais des trucs à raconter, mais des gaffes que j'ai faites. Mais non, moi, mais là-dessus, je suis futée. Je me mets derrière le micro en général. Vous êtes maligne, vous avez raison. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Ça rejoint un peu ce que je disais. Il faut oser, il faut prendre des risques, il faut se mettre en danger. Est-ce qu'il faut faire des études dans des grandes écoles? Ça dépend si on est en France ou si on est au Québec. Moi, en tout cas, comme je disais, je viens d'un pays où ce qui compte, c'est ce qu'on a en dedans, comme on dit chez nous, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et peu importe d'où on vient, on peut y arriver si on a du talent et qu'on est prêt à y mettre le temps et l'énergie. Donc on n'est pas obligé de faire des grandes écoles pour arriver là où on veut. Ah, c'est un beau message pour terminer, Anne Sérode. Merci beaucoup, Fip. Ça s'écoute évidemment sur la FM à Paris. Ça s'écoute également sur le net avec les délicieuses voix des Fipettes et évidemment toutes les grandes émissions, les lives également que vous faites dans Jazz à Fip et dans d'autres émissions. Merci beaucoup, Anne Sérode. Merci de m'avoir invitée. Ready.